Cependant, un jour, Dieu m'a fait comprendre que tous les livres proposant des recettes du succès dont j'avais besoin étaient résumés dans la Bible, sur une seule page, dans un seul verset. Dieu explique la recette du succès en un seul verset, alors que les hommes rédigent des briques de 500 pages pour essayer de le faire. Dieu dit, « Désires-tu connaître la recette du succès? Voici ce que tu dois faire. Médite ma parole, jour et nuit, et assure-toi de faire tout ce qu'elle dit. Ensuite, tu auras du succès dans tes entreprises et tu prospéreras. » Josué chapitre 1, le verset 8. Troisièmement, Dieu fait une promesse double à ceux qui lui obéiront courageusement. Quelle est cette promesse? D'abord, il leur promet sa présence. Il leur promet de demeurer avec eux. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais je suis disposé à laisser des tâches non accomplies pour jouir de la présence de Dieu. Cela passe en priorité. Voici ce que Dieu a dit à Josué au verset 5 du premier chapitre. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Savez-vous ce que cela signifie? Que disait Dieu à Josué exactement? « Josué, qu'importe combien d'ennemis tu auras à affronter, qu'importe le nombre de fois où tu devras aller au combat, je serai avec toi. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » En fait, Josué a combattu tout le reste de sa vie. Dieu n'a pas donné au peuple le pays de Canaan et la terre promise après un seul et unique combat. C'est jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et année après année qu'il a chassé les occupants du pays. Dieu avait ses raisons pour agir ainsi. Cependant, le peuple s'est rebellé et il n'a pas chassé tous les occupants du pays. En revanche, Dieu avait dit que si le peuple lui obéissait, il ne l'abandonnerait pas. Dieu dit, « Sois courageux, ne crains pas le danger, ne crains pas les obstacles, ne crains pas les épreuves, mais sois courageux, audacieux, persévérant, intrépide et ferme. » Ensuite, Dieu dit, « Voici ce que je vais faire. Compte sur moi pour t'accompagner pendant tout ce temps-là. De plus, je m'assurerai que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Tu seras un père de famille comblé et tu auras du succès dans tes finances et tu réussiras ta carrière. » Est-ce que cela signifie que nous ne serons jamais renvoyés? Non. Vous pensez peut-être qu'être congédié n'est pas un succès, mais un revers. Ce n'est pas nécessairement un revers, mais c'est Dieu qui nous retire d'une situation pour nous placer ailleurs. Plus tard, nous le remercions parce que nous nous sommes rendus compte que de nous-mêmes, nous n'aurions jamais pris cette décision. J'ai répété une vérité très souvent et je continue de la répéter parce que cet énoncé a été mon guide et je suis reconnaissant qu'il m'ait été dit. Lorsque j'avais 16 ans, mon grand-père m'a dit « Charles, obéis à Dieu et laisse-le s'occuper de toutes les conséquences. » Il faut du courage pour faire cela. Parfois, lorsque nous pensons aux conséquences de notre obéissance, nous nous demandons ce qui nous arrivera. Rappelez-vous d'une chose, quoi qu'il arrive, Dieu ne peut pas être dépassé par ses conséquences. Lorsque vous laissez Dieu s'occuper des conséquences, vous laissez un être omnipotent régler la situation. Il est impossible de faire mieux que lui. Pourquoi prendrions-nous des décisions en nous fiant à notre jugement humain et à nos émotions, surtout qu'ils ne sont pas des guides fiables pour réparer ensuite les pots cassés? Pourquoi essayons-nous de prévoir les conséquences de nos actions alors que nous devons simplement obéir à Dieu? Obéissons et laissons Dieu s'occuper des conséquences, car il est plus compétent et plus puissant que nous pour le faire. Si nous obéissons à Dieu, nous serons toujours victorieux, qu'importe les souffrances et la douleur que nous devrons endurer. Dieu nous fera prospérer et il nous honorera pour notre obéissance. Nous ne perdons jamais lorsque nous obéissons à Dieu. Par contre, nous ne pouvons jamais lui désobéir et être victorieux. Nous enseignons à nos enfants à nous obéir, mais nous désobéissons à notre Père céleste. Pourquoi? Dieu a dit à Josué, « Josué, veux-tu réussir? Voici ce que tu dois faire. Obéis-moi courageusement. N'écoute pas tous les gens qui veulent te conseiller. obéis-moi simplement. » C'est ce qu'a fait Josué. Voyons le témoignage qu'il a donné à la fin de sa vie. Ouvrez votre Bible au chapitre 24 du livre de Josué. Notez le succès qu'a connu Josué, parce qu'il était déterminé à servir Dieu. Lisons les versets 14 et 15. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Allons au verset 29. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Sérakh, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash. Voici le verset que je désire que vous notiez, le verset 31. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Josué a connu le succès. Non seulement a-t-il servi Dieu fidèlement, mais il a été un excellent exemple, au point que les anciens qui ont gouverné le peuple après son décès ont aussi obéi courageusement au Dieu vivant. Nous exerçons toute une influence sur les gens de notre entourage, qu'ils soient bons ou mauvais. Que désirez-vous que les gens disent à votre sujet après votre décès? Que désirez-vous que l'on inscrive sur votre pierre tombale? Parti, mais pas oublié. J'espère que non. N'aimeriez-vous pas plutôt qu'on inscrive « un serviteur de Dieu courageux, obéissant et fidèle »? Si je voyais une telle inscription en marchant dans un cimetière, je désirerais me renseigner au sujet de la personne. Mes amis, les effets de notre vie ne se terminent pas avec notre départ. Les vagues que nous avons soulevées continueront de se propager jusqu'à la fin. Nous devrions tous désirer avoir le courage d'obéir à Dieu. Je désire terminer avec un dernier énoncé. N'oubliez pas, l'homme ou la femme qui marche courageusement avec Dieu atteindra toujours sa destination, qu'importe où elle conduit. La question est, que faites-vous de la parole de Dieu? Il est impossible d'être le perdant lorsque nous obéissons à Dieu. Il est impossible d'être victorieux en lui désobéissant. Aujourd'hui, Charles Stanley nous a invités à avoir le courage d'obéir à Dieu. Dans plusieurs paraboles, Jésus a expliqué clairement quelles seront les conséquences de l'obéissance ou de la désobéissance. Lisons-en une dans Luc chapitre 6, versets 47 à 49. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle aussitôt. Elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. J'aime ce qu'a dit Charles Stanley. Les vagues que nous avons soulevées pendant notre vie continuent de se propager après notre mort. Je pense à John Bunyan, l'auteur du Voyage du Pèlerin. Ce livre chrétien est celui qui est le plus lu dans le monde après la Bible. Bunyan l'a écrit au 17e siècle, pendant qu'il était en prison pour avoir prêché la parole de Dieu. Les vagues qu'il a faites se font sentir encore aujourd'hui. C'est le cas de nombreux hommes de Dieu qui ont été persécutés pour leur foi, mais dont les écrits sont encore lus aujourd'hui. De plus, La biographie de nombreux missionnaires inspire des chrétiens, même s'ils n'ont pas laissé d'écrits comme d'autres, ou seulement très peu. Une église fondée par William Carey à Calcutta à la fin du 18e siècle existe encore aujourd'hui et on y prêche toujours l'Évangile. Les vagues soulevées par l'obéissance de Carey se font encore sentir aujourd'hui. Mais je suis davantage touché par les vagues laissées par des chrétiens ordinaires. Les Bullion, les Carey sont renommés, mais ils ne sont pas les seuls à soulever des vagues dont l'effet se poursuit après leur départ. J'ai déjà rencontré des jeunes qui provenaient de familles dont les ancêtres étaient sauvés depuis plusieurs générations. Un aïeul se convertit. Il élève sa famille pour la gloire de Dieu. Ses enfants en font autant et le cycle se perpétue par la grâce de Dieu. Ces gens ne sont pas renommés. Leurs noms ne sont pas mentionnés dans les livres de l'histoire de l'Église, mais les effets de leur fidélité se font encore sentir. Leurs noms ainsi que leurs œuvres sont inscrits dans le livre de vie. Puissent les vagues que nous soulevons pendant notre vie nous apporter des récompenses et non un châtiment éternel plus sévère. Nous ne percevons pas les effets des vagues de nos ancêtres et des chrétiens d'autrefois, mais Dieu les voit. Qui aurait entendu parler de la mère de Hudson Taylor si Dieu n'avait pas utilisé cet homme avec puissance? Qui aurait entendu parler des parents de Charles Spurgeon s'il n'avait pas été un instrument de Dieu pour sauver des milliers de personnes? Cependant, les vagues soulevées par la mère de Hudson Taylor et les parents de Charles Spurgeon se font encore sentir aujourd'hui. Ces gens ont simplement élevé leurs enfants dans la crainte de Dieu. Ayons le courage d'obéir à Dieu afin de soulever des vagues qui auront un effet positif après notre départ. Demandons à Dieu de nous donner un cœur qui l'aime afin que nous osions lui obéir. Lorsque nous aimons Dieu, nous ne trouvons pas pénible de le servir. Seul Dieu peut mettre de l'amour pour lui dans notre cœur. La seule chose que nous puissions faire, c'est de lui demander de le faire. C'est aussi facile et aussi difficile que cela. C'est facile, car c'est la puissance divine qui travaille dans notre cœur. C'est difficile car nous hésitons à croire que Dieu le fera, mais il le fera. Vous aimez les enseignements du Dr Stanley, mais vous n'écrivez pas assez vite pour tout noter? Aujourd'hui, l'Espoir vous offre la revue En contact qui reprend ces enseignements. De plus, cette revue comprend une pensée enrichissante qui vous permettra de commencer la journée sur le bon pied. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en contact et une production de Radio Espoir.